Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui nous n'allons pas rester dans notre belle région Lorraine puisque nous allons voyager dans l'espace. Rendez-vous en Bretagne avec une personnalité nancéenne qui vient nous présenter son premier livre. J'ai la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui au micro de Caprice de lecture Georges Billan. Bonjour Georges. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Dans les studios de Fadjet, donc pour Caprice de lecture, et où on va parler, donc comme je viens de l'annoncer, de votre premier livre, Le fantôme de l'île aux moines, qui est sorti en avril 2024. Alors, on a eu un peu de mal à se trouver un temps pour que vous puissiez venir au micro, mais je vous garde. Donc, on va faire une interview, Georges, si vous avez eu l'occasion d'écouter d'autres émissions Caprice de lecture. On va avoir quatre grandes questions, quatre grandes thématiques. Une dernière question, vous nous parlerez de votre actualité littéraire ou autre. D'accord. Et puis, vous nous ferez part d'un caprice de lecture, donc un livre que vous avez pu apprécier, puis que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. Georges, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Alors, on y va. Georges, donc vous avez ancré, comme le dit votre titre, votre intrigue sur l'île aux moines dans le golfe du Morbihan. Alors pourquoi ce choix pour les lecteurs et les auditeurs qui ne vous connaissent pas? Pourquoi l'île aux moines? Pourquoi une ville de Bretagne, un petit village? Alors déjà, pourquoi la Bretagne? Oui. Oui, parce que ma famille est bretonne. Moi, je suis né à Nancy comme mon frère. D'accord. Mais je passe d'ailleurs toutes mes vacances estivales dans le Morbihan. Donc vous traversez la France d'est en ouest comme ça? Des fois en voiture, des fois quand j'ai la flemme, je prends le train. Ouais. C'est pas pratique sur place après. Bah oui. Non, je fais du vélo sinon et puis C'est une région qui vous tient à cœur. Pourquoi? Alors parce que pour moi c'est déjà la Côte d'Azur dans la Bretagne si vous voulez. D'accord. Et puis bon, je me remémore mon enfance. Ouais. Puis c'est vraiment très agréable comme coin. C'est une façon de retrouver vos racines aussi. Oui, de temps en temps. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Et c'était important pour vous d'ancrer l'intrigue dans un lieu que vous, alors pas maîtrisez, mais un lieu que vous connaissez bien. C'était une espèce de confort pour écrire votre intrigue. Alors, pourquoi l'île aux moines? C'est venu comme ça. Ok. Hein, et on parlera aussi peut-être pourquoi 1936? Pourquoi cette époque-là? Alors, pourquoi allez-y. Pourquoi pas actuellement? Allez-y, alors, ça me permettra de faire une belle transition avec ma deuxième question. Alors, l'île aux moines, c'est la plus grande île du golfe du Morbihan, qui est tout proche du continent. Hein, oui. Il y a 5 minutes de traversée. Hein, on la voit au loin. Oui. Et pourquoi 1936? Eh bien, parce que ce sont des années qui m'ont beaucoup interpellé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon père a vécu son enfance dans ces années-là. Il est né en 1930. Hein. Il me parlait beaucoup de... surtout de la guerre après. Hein. C'est la question que j'allais vous poser. 1936, ouais. Veille de la Seconde Guerre mondiale. C'était évidemment, c'était des régions aussi très marquées justement par la Seconde Guerre mondiale. Et c'est peut-être pour ça aussi que votre papa vous en parlait beaucoup. Oui. Je ne loupais pas les documentaires sur la guerre, tout ça avec lui. Ouais. Je ne veux pas dire que je connais la guerre autant qu'un quelqu'un qui l'a vécu, oui. Mais enfin quand même. Et puis, alors, les années 30, il y a beaucoup de similitudes à faire avec notre époque. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la crise économique qu'on a retrouvée à partir de 2008, le chômage chronique, l'inflation, l'extrême droite, l'antisémitisme qui revient, hein, un nouveau Front populaire qui fait écho à celui de 1936 justement de Léon Blum, voilà. Puis des conflits qui peuvent dégénérer mondialement, ça c'est... Alors, est-ce que vous pensez que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, quelque part? Malheureusement, j'ai bien peur que les êtres humains ne retiennent pas les leçons du passé, ou très peu. Oui, et recommencent vite, et on refait le toujours schéma. Les mêmes bêtises. Okay. Si on peut parler de bêtises, c'est pire que des bêtises. Oui, là, c'est intéressant. Alors justement, ça c'était l'objet de ma deuxième question, nous y voilà. Votre personnage principal quitte le grand séminaire pour devenir, alors à l'époque on disait pion, en fait maintenant on dit surveillant ou assistant d'éducation, il y a encore d'autres appellations. Oui, mais je crois qu'on dit toujours pion. Hein. Mais dans le langage courant, on dit pion, donc dans un pensionnat justement sur l'île aux moines, et il va devoir affronter avec deux compères ce fameux fantôme. Je ne spoile pas parce que sinon ce serait dommage, les auditeurs n'iront pas lire le livre. Alors j'en donne juste quelques petites miettes. Est-ce que vous... Il y a une partie autobiographique dans ce livre. Énormément. Voilà, je ne dis pas pourquoi, comment, pareil, il faut laisser les auditeurs, je pense, découvrir, mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup inspiré. Ces deux compères ont-ils été deux super copains à vous ? Oui, ils existent. Enfin, tous les personnages Ils ont existé et existent encore dans J'ai votre entourage. J'ai changé les noms, les prénoms. Ouais. D'accord. Et je vais les retrouver bientôt, d'ailleurs. Ils sont toujours de ce monde. En Moselle, c'est un des deux est chef d'établissement. Il m'a dit, bon, on va tous se retrouver, enfin tous les trois, hein, Pascal, Brice et moi, dans le Brice, répertoire. C'est breton, non, comme prénom ? Non, il n'est pas breton. Ah, du bah, tout. J'ai cru que c'était breton comme prénom. Bah, peut-être, mais non, je ne crois pas. Et donc, dans le réfectoire de son établissement, pour reparler du bon temps, ouais, sans doute. Ouais. Voilà, est-ce qu'on a vécu ? Sympa. Vous êtes restés amis tout ce temps-là ? Non, enfin non. Vous vous êtes perdu un peu. On s'est perdu de vue. J'ai revu Brice il y a quand même pas mal de temps, ouais. On va dire une vingtaine d'années. Et puis depuis, non. Alors, bien sûr, il m'a inspiré, et Pascal aussi, ils m'ont inspiré, comme le père Félix dont oui. je parle, qui est le directeur. Ouais. En fait, ce bouquin, je ne sais pas si on le dira, mais il y a quatre narrateurs. C'est prévu, cette question ? C'était pas prévu, parce que moi, j'aime bien laisser y découvrir. Ouais. Moi, j'avais une question dans la question, c'est « Avez-vous vécu des phénomènes étranges ?» Réellement ? Écoutez, je parle du fantôme, là. Je me permets de me poser la question, parce qu'on sait qu'il y a une grosse part autobiographique. Oui. Du coup, je me dis, la question émerge naturellement. Est-ce que vous êtes inspiré de phénomènes étranges que vous auriez pu vivre sur l'île aux moines ou en dehors? Alors, en dernière page de couverture du bouquin, on a « Au fait, me direz-vous, le fantôme de l'île aux moines existe-t-il vraiment ?» Et je réponds « Je ne saurais vous l'affirmer. En tout cas, dans ma jeunesse, il est parvenu à me donner la frousse de ma vie. » Bon. Bon, pourquoi ? Ben parce que... Je me dis, est-ce que vous avez des copains qui vous ont joué un mauvais tour ? Ou est-ce que c'était des espèces de... Vous savez, des fois, quand on est plus jeune, on se raconte des histoires le soir, dans le noir, non, à se faire peur. Mais c'est peut-être un réveil... Enfin, un demi-réveil qui a fait que j'ai eu une vision de fantôme, alors qu'en fait, j'étais encore dans mes rêves, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai toujours cette vision-là. Vous maintenez le mystère. Hein, vous maintenez le mystère. Dans ce château... Ouais. Voilà. Alors, j'ai tout transposé en Bretagne, mais en fait, tout ce qui m'est advenu a eu lieu en Moselle. Hein, le château, le collège, tout ça existe. Mais en fait, donc, j'ai tout transposé sur mon île bretonne. Une partie autobiographique, enfin, grosse partie autobiographique, qui s'est déroulée en Moselle, que vous transposez dans votre région de cœur, la Bretagne. Voilà, c'est tout ça. À fait. Alors justement, puisqu'on parle de Bretagne, on va faire une première coupure musicale avec une musique celte, je crois, parce qu'il s'agit de Celtus, Strange Day in the Country. Oui. Pourquoi ce choix ? Bon, y a des musiques qui m'accrochent comme ça. Voilà. Et que si vous retrouvez ma page Facebook, vous verrez que j'ai une suite comme ça de chansons très disparates, hétéroclites, dont... Celtus, là. Celle-là. Que j'aime bien réécouter périodiquement. Okay. Et faire le plaisir. Partager avec mes amis Facebook, comme mes bouquins, que j'aime bien partager avec les lecteurs. Voilà. Eh bien, ça marche. On écoute et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'émission. D'accord. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec le fantôme de l'île aux moines, de Georges Billon, qui imite très bien le fantôme au micro. Non, ça c'est Dracula. Voilà. Alors, Georges, votre roman est à la fois un roman policier, on a de l'histoire aussi dedans. De la spiritualité. De la spiritualité. On a un petit peu un mélange des genres, et ce mélange des genres, quand vous avez commencé d'écrire ce livre, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prédéfini pour vous, ou est-ce que c'est venu au fil du temps? Vous vous êtes laissé emmener par... Parce que c'est ma petite voix, comme je dis toujours, voilà, qui m'inspire. On a des auteurs qui nous disent « Oh là là, mais moi j'avais déjà tout un plan, il fallait que j'écrive tant de pages par jour, et puis je voulais que ce soit ça. » Et d'autres auteurs comme vous qui me disent, ou qui nous disent avec les auditeurs, « Alors non, moi en fait, j'ai une vague histoire dans la tête, je me mets à écrire, et en fait c'est les personnages qui m'emmène. Est-ce que vous, ça a été le cas ? Tout à fait, oui, je me laisse aller par le courant, comme ça. Je me surprends moi-même. Et souvent, la nuit, au petit matin, j'ai une petite voix, je vous dis, qui me chuchote à l'oreille. Le fantôme, vous croyez ? Ça, tu pourrais glisser ça, ou ça, c'est pas intéressant, vire-le. Ou bien, par exemple, ma conclusion... Il y a des rebondissements, parce que au départ, j'avais prévu une conclusion. Qui n'a pas été celle ? Et si, je l'ai conservée, mais en fait, ce n'est pas la conclusion. Il y a un dénouement, il y a des rebondissements comme ça, inattendus. Et je suis le premier surpris par l'écriture. Alors justement, votre secret d'écriture, c'est votre premier roman, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est où votre source d'inspiration ? Est-ce que vous avez une espèce de rituel quotidien pour écrire ? Ou est-ce que vous écrivez 30 pages et après, vous laissez ça, on va dire, mijoter 15 jours, vous y revenez ? Vous faites comment ? Bonne question. Vous avez une ligne de conduite, une discipline aucune ou pas discipline. Du tout ? Je travaille surtout le matin, c'est vrai. Vous êtes plutôt du matin ? Voilà. Ouais. Je me lève, je me réveille... Il faut que les idées se mettent en place. J'écoute la radio. Moi, je ne dis pas quelle radio. Ok, mais vous écoutez la j'écoute radio. J'écoute la radio. D'accord. Si, c'est France Musique, mais bon. Bon. Voilà. Et puis, ça, c'est dit. Vous pourrez le couper. Enfin, donc, et après, quand j'ai pris mon petit déj, hop, vous mettez à écrire. J'allume mon écran d'ordinateur. Et puis, quand il veut bien s'ouvrir, parce qu'il est de plus en plus lent, ça mouline. Et puis, j'arrive à me lancer dans l'écriture. Des fois, j'ai les idées de la nuit qui me reviennent. Alors, je prends des notes. Des fois, je me lève en pleine nuit, je vais à mon bureau, je note pour me rappeler au petit matin. Et puis voilà, c'est parti. Et pour, c'est parti. Voilà. D'accord. Bon, c'est intéressant. Ça peut être toute la matinée, comme ça peut être une heure. Des fois, j'y reviens l'après-midi. Oui, vous n'avez pas que le matin, telle heure à telle heure. Et voilà, Non, c'est trop fastidieux de fonctionner comme ça. Enfin, pour moi. Puis du coup, ça ne devient plus un... plaisir, non, loisir, c'est de la discipline, discipline. Ça devient une. Et moi, je veux que ça reste un plaisir. Ça devient une obligation et c'est dommage. La créativité, la création, ça doit venir comme ça, naturellement. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Alors, justement, Georges, on parle de création. Moi, je vous suis un petit peu sur les réseaux et je vois que vous faites également de la peinture. Vous êtes artiste peintre. Depuis 84. Alors, c'était la question que j'allais vous poser, mais c'est pas grave. Donc, ça fait longtemps. Pourquoi la peinture ? Est-ce que c'est pareil, c'est venu, c'est lié à votre ancienne vie active ou est-ce que c'est pas du tout ? Non, j'ai toujours aimé créer. Alors j'aurais pu être musicien. J'ai des fois des airs en tête, mais bon, je fais partie d'une chorale, donc je sais déchiffrer une partition, mais je ne sais pas composer. Mais bon, ma création, moi, c'est l'écriture et la peinture. Et la peinture. Depuis, j'ai fait l'école de l'image d'Épinal. Enfin, j'ai pas été jusqu'au bout. Ouais. Ça m'a donné quand même des acquis. Et puis. Vous faites des choses très colorées. Quand j'étais pion, entre guillemets. Ouais. J'ai fait par correspondance même. Okay. Avec Vanves, c'est l'école La Sorbonne à Paris. D'accord. Des cours d'art plastique. Ok. Voilà, donc tout ça, ça me donne un certain bagage. Parce que vous faites des choses colorées. Très vivante, très... Allez sur ma page Facebook, Georges Billon, vous trouverez mes œuvres en tête de gondole, comme on dit, en tête. Oui. Et c'est chouette parce que ça met beaucoup de joie dans une grisaille ambiante, alors que ce soit la grisaille liée à la météo comme à la grisaille liée aux actualités, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Donc, ce n'était pas une passion sous-jacente. Au contraire, c'est quelque chose que vous emmenez avec vous depuis longtemps. Je suis optimiste et je pense que ça transparaît dans ma peinture. Ouais. Dans rien les couleurs, que le choix des couleurs, ouais. Ouais. C'est très joli. Alors, on va faire une deuxième coupure musicale avant de passer à la suite et fin. Donc, c'est une coupure musicale donc de votre choix, Georges, de Franck Pourcel, Green Leaves. Oui. Pourquoi ? Ah bah évidemment, pourquoi ? Alors, Green Leaves, tout le monde le connaît, Green Leaves, c'est feuille verte, hein, enfin de printemps, ouais. Quoi. Hein. Ouais. Ça évoque la Renaissance, oui. C'est inspiré, on ne sait pas, c'est anonyme, hein. C'est inspiré du folklore britannique. D'accord. Ça a été repris par un compositeur que j'aime beaucoup, qui est mort en 58, donc on va dire qu'il est contemporain, Ralph Vaughan Williams, qui est un de mes compositeurs préférés, donc anglais, hein, okay. Qui s'est beaucoup inspiré du folklore. Il y a beaucoup de similitudes entre le folklore britannique et breton, enfin, c'est un peu celtique tout ça. D'accord. Ouais. Et puis c'est plein d'optimisme cette musique-là. Ouais. Ouais. Et j'aime bien la version de Franck Pourcel en particulier, parce que c'est un petit retour en arrière, un clin d'œil aux années 70, vous verrez. D'accord. Un style de musique qui fait un peu passer, mais bon, c'est de la nostalgie. Qui correspond un peu à votre personnalité, positif, oui, ça coloré. Si ça m'émeut, je pense que ça me correspond bien. Alors, on découvre ça tout de suite et on revient juste après. Merci. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette dernière partie d'émission. Déjà, toujours en présence de notre invité qui nous a fait voyager de la Lorraine à la Bretagne, Georges Billan. Georges, est-ce que vous êtes toujours aussi à l'aise dans le studio des Caprices de lecture ? Oh, même partout. Hein. Je crois que j'aurais le président de la République en face de moi. Ça ne ferait pas plus d'effet ça. Ça, c'est bien. Alors, Georges, avant de nous quitter, mais ce n'est qu'un au revoir, parce que vous reviendrez pour votre actualité. J'ai d'autres bouquins à vous littéraire. Présenter. Ouais, ouais. Justement, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu tous les deux. Donc, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule « Le monde de demain » et qui est édité chez BookBookin Édition. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu avant qu'on revienne au fantôme de l'île aux moines ? Je sais que vous avez un message personnel à passer. Voilà. Alors déjà, oui, ce bouquin, il y a 15 auteurs, dont et deux jeunes écrivains en herbe. D'accord. Ça fait 17 en tout. Je me situe à peu près au milieu. D'accord. Avec ma nouvelle, c'est des nouvelles qui font une dizaine de pages, pas plus. Hein. On est plutôt sur quel style ? On est plutôt sur du fantastique ? Ah, oui. D'accord. Oui, de l'écriture d'anticipation, on va d'accord, dire. D'accord, ok. Ah, ma nouvelle, elle se passe en 5025, vous voyez. Ah oui. Je passe de 1936 à 5025. Oui, faites un grand écart temporel. Voilà. Alors, c'est de la dystopie, comme on dit. Oui. Ouais, ouais. Mais moi, je suis toujours optimiste, donc... Bien. C'est pas l'apocalypse. Donc à découvrir, on peut ce livre est déjà sorti, ah oui. Édité. À découvrir, on peut le trouver n'importe où. Oui, pareil. Vous pouvez le commander à la. Enfin, je vais pas dire. Sur les grandes plateformes. Voilà, de commande. Les grandes. Non, même les grandes librairies. Les grandes librairies. Vous allez à Nancy. D'accord. Vous allez en librairie. Vous trouvez Le fantôme de l'île aux moines de Georges Billon. Vous trouvez Le monde de demain. Avec une nouvelle de Georges Billon à découvrir absolument parmi les 17 nouvelles. Ouais, enfin bon, elles sont toutes plus intéressantes et diverses et variées les unes que les autres. Ok. Alors donc, la maison d'édition, c'est Bookin Édition. Ok, ça marche. Bookin, facile à retenir. Et puis alors, vous vouliez passer un petit message donc, pour Le fantôme de l'île aux moines, un petit message personnel donc à votre éditeur. Voilà. C'est à vous. Arnaud Stahl. Alors, il n'aime pas que j'en parle, mais je le dis parce que c'est vraiment exceptionnel et méritant qu'un éditeur comme ça, qui bosse, parce que les petits éditeurs ont du mal à s'en sortir. Le monde de l'édition est compliqué. Ouais. Ouais. Donc, le matin, il livre du poisson au restaurateur de Bayonne, parce qu'il est sur Bayonne. Voilà. D'accord. Et l'après-midi, il change de casquette hein, et devient éditeur. Voilà. Et il a trouvé, je crois, à ce stade actuel. Donc, c'est une petite maison d'édition oui. qui s'est créée il y a 2 ans et quelques. Et il doit avoir 25 écrivains à son actif, si ce n'est pas plus. Donc, voilà. C'est déjà bien ouais, pour une maison d'édition jeune. Elle a 2 ans, elle est toute jeune, cette maison d'édition. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vraiment très bien. Non, c'est la qualité. Hein. C'est lui-même qui choisit ses écrivains hein, par rapport à leur création, quoi. D'accord. Alors, Georges, pour clôturer ce caprice de lecture, où est-ce qu'on peut retrouver votre actualité ? J'ai une fille qui est portraitiste, je vous ai parlé tout à l'heure, qui va me créer un site. D'accord. Un site, donc, personnalisé. D'accord. Mais pour l'instant, on peut me retrouver sur Facebook. Voilà. Georges Billon. Alors, Georges, particularité aussi, G-E-O-R-G. Oui. Vous ne mettez pas de S, et Billon, B-I-2-L-A-N-T. Et là, en plus, on retrouve Thérèse, alors, ouais. votre actualité littéraire, mais aussi votre actualité artistique. Parce que pour avoir été consulté votre profil Facebook, vous mettez régulièrement donc, des œuvres que vous avez pu créer. Oui, ou des articles de journaux. Ou des articles. De West France, de l'Est République. On retrouve tout, ouais. On peut vous laisser un message. Musique, et de la musique. Et de la aussi. Musique. Oui, oui, on oui. peut vous laisser un message, vous répondez. Ah, bien sûr. Super. Oui, oui, je suis très réactif. Ouais. Merci beaucoup, Georges, d'être venu parler de Merci, votre Sarah. Livre. J'espère à très bientôt. Mais oui, mais oui. Et puis, nous, on va se retrouver pour d'autres caprices de lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.